Section 49 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 11, troisième partie, l'architecture, la sculpture, la peinture, suite, par André Berthelot. La sculpture. La sculpture fut l'art favori de la première Renaissance. Sans retrouver l'ampleur de la sculpture grecque, elle la dépassa pour l'expression des sentiments. Une de ses qualités maîtresses fut la grâce. La supériorité de l'école florentine fit adopter partout le type des riverains de l'Arno, maigre et fin, mais d'une charmante distinction. Nul art n'a plus souffert que la sculpture de la division créée entre l'artiste et l'artisan. Elle est confinée aujourd'hui dans le grand art, à qui les subventions de l'État donnent une existence factice. Nous sommes loin de l'époque où Ghiberti ciselait des boutons de chape, où Donatello exécutait lui-même des vasques, des tabernacles. L'exemple récemment donné par Bari n'a pas été suivi. La sculpture italienne, dans son âge d'or du XVe siècle, subit bien moins que l'architecture l'ascendant de l'antique. Ghiberti et Jacopo degli Accercio s'inspirent franchement des gothiques, des grands sculpteurs français et flamands, dont il copie les draperies. Donatello est un novateur qui plus volontiers déshabille ses personnages. Lui excepté, l'influence de l'Antiquité est faible pour la ronde bosse. Pour les bas-reliefs, elle devient prépondérante. Presque toujours, l'interprétation du nu laisse à désirer, sauf pour les enfants où triomphent les Florentins. Il déploie aussi dans les bustes les qualités du réalisme contemporain. L'observation de la nature leur est, en ces deux genres, infiniment plus profitable que l'imitation des Grecs ou des Romains. Les bas-reliefs et hauts-reliefs sont transformés par l'application des lois de la perspective. Ghiberti en fait de véritables tableaux. La polychromie, assez goûtée, disparaîtra avec les progrès du style classique. Toutes les matières sont employées. Marbre, pierre, bronze, terre cuite, émaillée ou brute, bois, stuc, cire, ivoire, etc. Le bronze est préféré pour les ouvrages monumentaux, statues, portes de sanctuaires, etc. Le premier des grands sculpteurs du XVe siècle est un siennois, les autres sont des Florentins. Jacopo ou Giacomo degli Accercio, 1371-1438, se partageant entre Sienne et Lucques, puis entre Sienne et Bologne. De ses œuvres maîtresses, l'une, la fontaine, Fonte Gaja, qui ornait la place principale de Sienne, est détruite. Mais l'autre subsiste, la décoration du portail de San Petronio à Bologne. Degli Accercio n'a rien de la morbidesse des Florentins. Le Père éternel, Adam, sont d'une grandeur et d'une énergie qui font penser à Michel-Ange. Ce génie austère et incorrect peut aussi bien supporter la comparaison avec Schlüter qu'avec ses contemporains de Florence. De ceci, le premier en date est Ghiberti, dont le génie contraste profondément avec celui de Jacopo degli Accercio. L'idée maîtresse est la même, transformer l'art du Moyen-Âge par le retour à l'observation du réel. Tous deux sont chrétiens et graves, tous deux ont beaucoup appris des flamands, mais que les tempéraments diffèrent. Le siennois est rude, violent, sombre, le florentin noble, élégant, harmonieux. Ce qui frappe chez le premier, ce sont des morceaux superbes, chez le second, la perfection de l'ensemble. Lorenzo Ghiberti, 1378-1456, élevé à Florence, se rendit à Rimini pour décorer une salle à fresques. Il revint en 1401 prendre part au concours pour une des portes de bronze du baptistère. Il l'emporta sur les 6 artistes rivaux. Brunellesco, primé avec lui, s'était effacé. Le contrat fut signé en 1403, la porte achevée en 1424. Elle comprend 28 bas-reliefs, représentant des scènes du Nouveau Testament. Chacune a son encadrement et est ornée d'une tête de prophète, de sibylle ou de saint. L'œuvre procède de l'art gothique. Les personnages sont graves, symétriquement disposés, très vivants. Ghiberti continuait son métier d'orfèvre, s'essayait sans succès à l'architecture. En 1425, on lui commanda une seconde porte du baptistère qu'il n'acheva qu'en 1452. Celle-ci, plus admirable encore que la première, ne comprend plus que 10 sujets empruntés à l'Ancien Testament. Mais chacun des bas-reliefs réunit en général plusieurs scènes. Autour sont distribuées 24 statuettes, 24 bustes, le tout dans un merveilleux encadrement. Dans ces bas-reliefs, comme dans ceux de la chasse de San Zanobi, cathédrale de Florence, Ghiberti a gagné en noblesse, sans rien perdre du naturel qui signale son premier chef-d'œuvre. Il ne sacrifie rien à l'expression dramatique. La science de la composition, qu'atteste l'entrevue de la reine de Saba et de Salomon, l'heureux effet de l'application des lois de la perspective linéaire, font de cette porte du baptistère un chef-d'œuvre unique en son genre. Autant Ghiberti ménage la transition entre l'art gothique et les tendances nouvelles, autant Donatello accuse l'antagonisme. Élève de Ghiberti pendant quelque temps, mais ami de Brunellesco, il suivit dans son âge mûr les conseils de cet illustre novateur. Donato di Niccolò di Bettobardi, connu sous le nom de Donatello, naquit à Florence entre 1382 et 1387, mourut en 1466. Il se voua exclusivement à l'art, fit preuve d'une indifférence complète en matière politique et aussi en tout ce qui concerne le côté matériel de la vie, ne s'occupant pas de changer ses habits, oubliant son âge, se vouant au célibat. Son culte exclusif fut l'art, un seul art, la sculpture. Il en aborda toutes les parties, bas-reliefs et ronde-bosses, sculptures sur bois, en bronze, terre cuite colorée. Protégé des Médicis, il vécut indépendant, mourut pauvre. Il débuta par le naturalisme, s'abandonnant à tous les caprices de son imagination. Ses statues de prophètes du campanile de Florence sont d'un réalisme saisissant. Discipliné par sa collaboration avec Michelozzo, il employa de plus en plus le bronze, subit l'influence de l'antique jusqu'à se borner à reproduire en plus grand des pierres gravées anciennes pour décorer la cour du palais des Médicis. Il fond alors à Padoue la statue équestre de Gatta Melata. Que Donatello ait tiré parti des modèles antiques, cela n'est pas niable. Mais le fond de son génie reste original. Rien ne ressemble moins à des antiques que la plupart de ses statues. Il eut un idéal autrement large. Quel sentiment n'a-t-il pas exprimé ? L'ironie du Poge et l'ascétisme de saint Jean-Baptiste, le cynisme de Zucconet et la fière noblesse de saint Georges, la grâce de l'enfance et la perspicacité désenchantée du vieillard, buste de N. d'Auzzano. Cette sculpture, toujours expressive, parfois dramatique, est bien celle de l'âge nouveau, lequel n'a pas retrouvé la sereine perfection de Phidias et de Praxitèle, mais développé d'autres qualités. On peut préférer la Vénus de Milo au Saint-Georges, le contraire se peut soutenir. L'art comporte plusieurs conceptions de l'idéal. Luca de Simone di Marco Delia Robbia, né à Florence en 1399 ou 1400, mort en 1482, décora, en concurrence avec Donatello, la tribune des orgues de Sainte-Marie des Fleurs. Il ne le lui cède pas en originalité. Il est le plus remarquable des artistes fabricants et chefs d'industrie. Il n'a pas inventé l'émail stannifère de ses terres cuites, blanches et bleues, mais il est le premier qui l'ait appliqué à des travaux de cette dimension. Sa première œuvre de ce genre est de 1443. Elles se multiplièrent, d'autant que Luca Delia Robbia fonda une dynastie artistique. De lui et de son neveu Andrea, on connaît près de 500 pièces. Nulle étude ne montre mieux combien il serait faux d'attribuer à la Renaissance de l'Antiquité le mérite de la production artistique du XVe siècle. Luca ne sacrifie rien à l'Antiquité, même pour l'ornementation, où il se contente de guirlandes de fleurs et de fruits. Héritier de l'art du Moyen-Âge, il s'efforce de concilier les traditions de l'idéalisme chrétien avec le réalisme, l'observation de la nature vivante qui prévaut à Florence comme à Bruges et en France. Il se tient au sujet religieux, n'éprouve nul besoin de les dramatiser. Son talent est aussi souple que correct. La vérité des attitudes, des sentiments si variés qu'expriment ses figures, conservent à ses hauts reliefs une jeunesse éternelle. Son neveu et héritier, Andrea Delia Robbia, 1435-1525, est loin de le valoir. Il verse dans la mièvrerie. Le souci de la décoration est trop marqué. 5 de ses 7 fils continuent la dynastie. Le plus habile, Giovanni della Robbia, 1469-1529, est un réaliste décidé. Sa grande frise de l'hôpital de Pistoja, les 7 œuvres de Miséricorde, dont le sujet principal se développe sur une longueur de 40 mètres, est d'une vie intense. Après Ghiberti et Donatello, il se forma à Florence un groupe de sculpteurs de talent distingué, qui imitèrent ses maîtres et exécutèrent un grand nombre d'œuvres correctes, dont la bonne facture était le premier mérite. On les réunit sous le nom d'éclectiques. Benedetto da Majano, 1442-1497, Civitale, 1436-1500, Andrea Sansovino, 1460-1529, et Ferrucci, 1465-1526. Mais l'évolution de la sculpture florentine n'était pas achevée. Les orfèvres Pola Juolo et Verrocchio lui donnèrent une nouvelle impulsion. Antonio Pola Juolo, 1429-1498, dont l'originalité aboutit à l'étrangeté, était plus savant qu'artiste. Ses mausolées de Sixte IV et d'Innocent VIII à Saint-Pierre de Rome sont maniérées, mais il exerça une action considérable. Andrea del Verrocchio, né à Florence en 1435, était fils d'un industriel. Il fut placé chez l'orfèvre Verrocchio, dont il adopta le nom. Ses célèbres pièces d'orfèvrerie ont toutes péri, moins une. Mais nous avons conservé ses statues, dont la réputation croît chaque jour. Ce David, 1476, de bronze, gamin florentin à la vigoureuse silhouette. L'incrédulité de saint Thomas à San Michele, où la profondeur de l'expression est digne de Vinci. Enfin à Venise, cette statue du Colleone, achevée par Léopardi, qui défie la comparaison avec toute autre statue équestre. La superbe allure du cheval, l'énergique tournure et l'expression du condottiere, le mouvement de l'ensemble, en font l'œuvre la plus parfaite de la sculpture réaliste. Rappelons que de l'atelier du grand orfèvre, médiocre peintre cependant, sortirent Lorenzo di Credi, le Pérugin, Léonard de Vinci. Caractère de la peinture. La peinture italienne reste au service de l'Église, mais se détache de la donnée purement religieuse. Elle donne plus que l'Église ne demande. L'image de la vie réelle, au lieu de type des individus. Outre la forme humaine, son cadre, paysage, architecture, ornement, dans toute sa variété. Pour chaque cas, elle parle une langue particulière. La beauté qui était le but suprême cède le pas à l'expression. Le sentiment religieux est exclusif. Il écarte tout ce qui rappelle la vie profane. Quand celle-ci envahit le tableau, il cesse d'être pieux. Combien l'art a peu de moyens de satisfaire le sentiment religieux. La sérénité, la douceur, l'abandon, l'anxiété, la résignation, la tristesse, dans les visages et les attitudes, aucun de ces sentiments n'appartient en propre à la donnée religieuse. Voici qu'on développe l'étude du nu, du mouvement. Le vêtement aussi s'individualise. On cherche à varier le caractère des personnages. Les contrastes entre eux deviennent un élément nécessaire au point que l'impression dramatique elle-même perdra à cette variété. On a une toute autre notion de l'espace, de la perspective et de l'architecture. Au XIVe siècle, on cherchait à remplir de figures l'étendue complète confiée au peintre. On se bornait à indiquer le lieu de la scène. Maintenant, les personnages se meuvent librement selon les lois de la perspective au milieu d'un paysage réel, d'une architecture soignée. La découverte de la peinture à l'huile n'eut pas d'abord grande action sur l'école florentine, qui est essentiellement une école de fresquistes. Les tableaux d'autels peints sur bois sont bien plus nombreux que les tableaux de chevalet. Très faible est l'influence de l'Antiquité, dont on ne possédait que peu de peintures et médiocres, et dont on imite guère les sculptures. On lui emprunte seulement l'ornementation. À la fin du siècle, se forme à Padoue une école très imbue des traditions de l'art antique. Mais c'est d'abord un fait local. Un art aussi vivant que celui du XVe siècle ne pouvait chercher au dehors son idéal. La grande école est celle de Florence, qui est réaliste. Les sujets préférés sont l'histoire de la Passion, des scènes de la Bible, des légendes de saints. Le Christ garde un type analogue à celui du XIVe siècle. La figure est noble, mais l'expression profonde. La Vierge n'est plus que rarement la reine du ciel. Elle devient une mère attentive, calme, heureuse. Dans la Sainte Famille, complétée et égayée par saint Jean, Joseph trouve une place. Les scènes de famille n'ont pas la petitesse que leur donnent souvent les flamands. On retrouve la même inspiration dans l'Annonciation, la Visitation, l'Adoration des bergers. Le ciel se peuple de physionomies vivantes. Cet art, encore naïf, est déjà profond. On copia d'abord les têtes des personnes qui jouaient dans les mystères, puis, très souvent, des portraits de contemporains, de l'auteur, de ses élèves, de gens connus. Les écoles italiennes de peinture, les derniers primitifs. Il nous faut décrire les derniers efforts des peintres idéalistes qui produisent, au début du XVe siècle, leurs œuvres les plus délicieuses. Ils dominaient à Sienne où, durant tout ce siècle, ils continuèrent de poursuivre la beauté idéale. C'est le charme de ces tableaux de sainteté. Quand ils essaient plus, ils échouent. Les fresques de Taddeo di Bartolo, mort en 1422, montrent combien la seule antiquité eût été impuissante à rajeunir l'art italien. Cette archéologie est enfantine. Même pour tirer parti des leçons des Romains, il fallut des naturalistes. Le plus grand et le dernier des primitifs est celui qu'on a surnommé Fra Angelico, 1387-1455. Il se nommait Guido. Né près de Vicchio, il témoigna dès son enfance une grande ferveur religieuse, entra au couvent des Dominicains de Fiesole, où il prit le nom de Fra Giovanni, 1407. En 1409, il se réfugia à Cortone, où l'on conserve ses premiers tableaux d'autel. En 1418, il revint à Fiesole, où il passa 18 ans et commença sa célébrité. Élève des miniaturistes, il en reproduit fidèlement les procédés. La sérénité, la beauté surnaturelle de ses figures, leur naïveté vraiment angélique, les font admirer malgré la simplicité de sa technique. Peut-être même la prédilection pour les couleurs éclatantes, les fonds dorés, les bleus et les roses qui flattent l'œil, sont-ils, pour plus qu'on ne l'avoue, dans le charme exercé. Le couronnement de la Vierge du Louvre, celui du musée des Offices, sont parmi ses œuvres les plus exquises. En 1463, Fra Angelico vint à Florence, au couvent de Saint-Marc. Il y resta une dizaine d'années les plus fécondes de sa vie. Il traita toutes les scènes de l'Évangile, répétant ses tableaux pour satisfaire aux demandes qui arrivaient de toutes parts. Dans sa Crucifixion, couvent de Saint-Marc, il a exprimé avec une intensité inouïe tous les sentiments. Le Christ est entre les deux larrons. Des saints sont groupés au pied de la croix, évangélistes, fondateurs d'ordre, les trois Maries. Le contraste entre la résignation, la douleur, l'extase, le calme de l'intelligence supérieure, saint Benoît, est saisissant. Des petites fresques dont Angelico décora les cellules de son couvent, quelques-unes sont ce qu'il a fait de plus parfait. Appelé à Rome par Eugène IV, il y vécut jusqu'à sa mort ces fresques de la chapelle du Saint-Sacrement au Péri, mais celles de l'oratoire du pape, vie de Saint-Étienne et de Saint-Laurent, subsistent. Malgré son âge, le maître subit l'influence de son temps. L'architecture prend une grande place dans ses tableaux, le sentiment chrétien reste aussi profond, mais la science est plus grande. Fra Angelico porte à leur comble les qualités de l'école de Sienne. Sentiment religieux et beauté angélique des figures, et celle de l'école de Giotto, expression de la physionomie. Bien que contemporains des novateurs et des réalistes les plus fougueux, il semble les avoir ignorés presque jusqu'au bout. Il n'en est pas moins un des génies les plus remarquables de la peinture. La crucifixion et la prédication de saint Étienne se peuvent comparer à tout. Gentile da Fabriano, né entre 1360 et 1370, mort vers 1450, quoique plus âgé que Fra Angelico, se rapproche davantage des tendances nouvelles. Comme le moine, il emploie volontiers les éclatantes couleurs des miniaturistes, prodiguant des tons qu'il serait impossible de retrouver dans la nature. Mais, dès qu'il vient à Florence, il se transforme, observe et imite la nature, non seulement dans les paysages de ses fonds de tableaux, mais par la substitution des portraits au type traditionnel, la recherche des raccourcis, des effets de perspective. Son style très personnel lui valut une réputation universelle, mais il fut peu imité. Même son disciple, Jacopo Bellini, passa au naturaliste. Ceux-ci transformaient la peinture comme les autres arts. Le premier fut Masolino, 1383-1440. Travaillant d'après des figures en relief, il traita avec plus de science le jeu des ombres et de la lumière. Le premier, il donna plus de douceur à ses figures de femmes, des costumes élégants à ses adolescents. Son principal mérite est d'avoir eu pour élève Masaccio. Celui-ci est le plus ancien des grands peintres réalistes de l'école italienne et demeure un des plus admirés. Il ne reste guère de lui qu'un retable à Naples et 5 ou 6 fresques de la chapelle des Brancacci à l'église del Carmine. Les autres promoteurs du réalisme furent Paolo Dono Uccello, Andrea del Castagno, Piero della Francesca. Paolo Uccello, 1397-1475, malgré sa passion pour la perspective dont il fixa les règles. Andrea del Castagno, 1390-1457, malgré la brutalité voulue de son réalisme, n'ont eu qu'une médiocre influence. Piero della Francesca, 1416-1492, est d'un autre ordre. Il naquit à Borgo San Sepolcro, aux limites de la Toscane et de l'Ombrie, reçut les leçons d'Uccello. Son œuvre principale est la décoration à fresque de l'église Saint-François d'Arezzo. Les fresques du Vatican ont été victimes du vandalisme de Jules II, qui les fit effacer pour faire place nette à Raphaël. Nous avons conservé plusieurs de ses tableaux de chevalet, notamment le baptême du Christ, National Gallery. Piero ne recherche nullement la poésie, mais la vérité. Ses portraits ont le relief de médailles. Sa scrupuleuse exactitude du dessin et du modelé, la fraîcheur et la finesse du coloris, la science de la lumière place ce peintre impeccable au premier rang. L'école florentine. L'héritier de Masaccio fut Fra Filippo Lippi, 1406-1469, qui égala son maître en manifestant des qualités différentes. Pour le juger, il faut voir ses fresques de Prato, vie de Saint Jean-Baptiste, vie de Saint Étienne, ou de Spolette. Les premières surtout nous séduisent. Le peintre traduit les sentiments les plus divers. Voyez son festin d'Hérode, ses funérailles de Saint Étienne. Nulle archéologie. La première fresque représente une réunion de riches Florentins banquetant dans un de leurs palais. La correction est peut-être inférieure à celle de Masaccio, mais Lippi a plus d'aisance. L'individualisme des figures, la variété des expressions font de ses compositions, plus amples que celles de Ghirlandajo, le chef-d'œuvre de la peinture naturaliste italienne. Ce que lasse la beauté conventionnelle, le savant artifice, le noble symbolisme de l'école d'Athènes, peuvent s'adresser à Lippi. Le plus fameux élève de Fra Filippo Lippi fut Sandro Filippi, surnommé Botticelli, 1447-1510. La conception des grands ensembles lui manque. Il néglige un peu l'exécution, en prend à son aise avec la réalité, fait des fautes de dessin, Ses mouvements sont parfois exagérés, ses figures grêles. Il n'a pas compris la nouvelle technique de la peinture vernie apportée de Flandre. Et, malgré ses défauts, nul n'a plus de passionné partisan que Botticelli. Son incorrection même l'a servi. La suavité, l'attrait toujours chaste de ces types étranges, la grâce des mouvements, des draperies, des physionomies, le charme raffiné de ses conceptions séduisent les plus durs. Rien de plus gracieux que ces vierges du Louvre, des offices, que son adoration des mages. Mais il faut avoir vu le printemps. Jamais la peinture allégorique ne retrouvera cette fraîcheur et cette vie. Le paysage, la composition, chacun de personnages, l'expression des sentiments, le détail des coiffures, tout ravit également. Après ce maître qui porta à son comble la grâce florentine, il faut nommer aussitôt Ghirlandajo, le plus sérieux des réalistes. Domenico Ghirlandajo, 1449-1494, élève d'un orfèvre, a surtout travaillé à Florence. Produisant sans relâche fresques ou tableaux de chevalet, il est inégal, mais ses grandes fresques du cœur de Sainte-Marie-Nouvelle sont un des chefs-d'œuvre les moins contestés de la peinture. Ghirlandajo réunit la grandeur des compositions de Giotto, la vie des personnages de Lippi, la recherche de la beauté. Entièrement maître du procédé, dessinateur impeccable, il sait grouper les figures dans ses vastes fresques. La simplicité sévère, la beauté des types, la pureté du goût de Ghirlandajo, toutes qualités essentielles de la fresque n'ont jamais été égalées. Benozzo Gozzoli, 1420-1498, et Filippino Lippi, 1457-1504, sont déjà un peu maniérés, mais d'une grâce incomparable. Les fresques de Gozzoli à San Gimignano, au Palais Médicis et au Campo Santo de Pise valent surtout par l'élégance. Celles du jeune Lippi, dans les chapelles Strozzi, des Brancacci, de la Minerve, Rome, par le mouvement et l'expression. Enfin, les peintres orfèvres. Ceux-ci, par l'étude du détail de la nature, ont patiemment déterminé les règles de la peinture, perfectionné la technique. Leurs petits tableaux, lentement exécutés, sont fort curieux. Dans ceux d'A. Pollaggiuolo, on est frappé de l'anatomie, de la hardiesse des raccourcis, de la précision des mouvements, de l'habileté dans l'usage du clair-obscur. Verrocchio, encore plus orfèvre et plus âpre que Pollaggiuolo. Aussi les contemporains Botticelli, Ghirlandajo et les peintres de la génération suivante ont-ils presque tous subi son influence. L'école de Padoue. Aussitôt après l'école de Florence, il faut placer l'école de Padoue. Elle représente le culte de l'Antiquité comme la première le réalisme. Le rôle que tinrent dans l'histoire de l'architecture Brunellesco et Alberti appartient dans l'histoire de la peinture à Squarcione et à Mantegna. Le fondateur de l'école fut un Padouan, Francesco Squarcione, 1394-1474. Artiste médiocre, mais professeur très apprécié, il forma près de 150 élèves et contribua, plus que tout autre, à répandre l'étude de l'Antiquité parmi les peintres. Son plus illustre élève fut Andrea Mantegna, 1431-1506, un des génies les moins contestés de la Renaissance. Il apprit d'Uccello la perspective, emprunta à Donatello ses types de Christ, de Vierge, d'enfant. Gendre de Jacopo Bellini, il n'adopta malheureusement pas le coloris vénitien et ne fit guère circuler du sang dans ses corps qu'il dessinait si bien. C'est un peintre savant, mais plus encore un peintre érudit. Par goût, il s'inspira surtout de l'Antiquité. Collectionneur passionné et patient, il réunissait des inscriptions, des bas-reliefs, des bronzes, des marbres, s'attachant à reproduire scrupuleusement les moindres détails du costume, de l'armement, de l'ameublement des Romains. Ce qu'il fit d'étonnant, d'unique, c'est d'avoir vivifié cette archéologie par l'imagination. Son premier grand travail, en collaboration avec des camarades de l'atelier de Squarcione, fut la décoration à fresque de la chapelle de Saint-Jacques et Saint-Christophe, église des Eremitani, où il retraça la vie de ces deux saints. Attiré à Mantoue par les Gonzagues, il y passa la plus grande partie de sa vie, y exécuta la plupart de ses œuvres. la position stratégique de Mantoue, où les armées ont passé et repassé durant 3 siècles, a causé la ruine de presque toutes les peintures de Mantegna. La chapelle décorée par lui au Vatican a été détruite sous Pie VI pour agrandir le musée. Mais nous pouvons nous faire une idée de son œuvre la plus caractéristique, le triomphe de Jules César. C'est une série de 9 peintures à la détrempe, sur toile, en très mauvais état. Toutefois, pour 3 d'entre elles, nous avons conservé les gravures. Dans cette procession héroïque et grandiose, où l'Antiquité romaine est évoquée avec tout l'appareil de ses cérémonies imposantes, Mantegna résuma d'une main puissante et sûre tous les résultats acquis par l'effort enthousiaste du XVe siècle. Dans l'ordre historique, à l'heure même où Léonard de Vinci, en peignant à Milan le Cenacolo, y résumait les résultats du même effort dans l'ordre expressif. Les cartons du palais Saint-Sébastien, devenus plus tard les cartons d'Hampton Court, ont eu, sur les développements postérieurs de la peinture, en Italie par Jules Romain, en Allemagne à part Dürer et Holbein, en Flandre par Rubens, en France par Lebrun, une action puissante et durable. Le chef-d'œuvre du vieux Mantegna marque donc une des étapes les plus importantes de l'imagination humaine dans le développement de la Renaissance. Note. La fenêtre, la peinture italienne. Fin de note. L'école de Ferrare. L'école de Ferrare procède de celle de Padoue. Cosimo Tura, 1432-1495, fut disciple de Squarcione et de Piero della Francesca. Ses traits caractéristiques sont un dessin et une coloration trop vigoureux, la recherche du caractère, un mélange assez maladroit d'archéologie et de réalisme brutal. Son élève, Lorenzo Costa, 1460-1535, modifia son réalisme sous l'influence de Francia. Ses velléités allégoriques et archéologiques font tort à cet artiste gracieux. Il s'était associé avec Francia pour l'organisation d'un atelier, d'où sortirent 200 élèves. Francesco di Marco Raibolini, surnommé le Francia, 1450-1518, était un orfèvre de Bologne qui apporta à Ferrare le sentimentalisme des Ombriens. Ses tableaux de sainteté eurent une vogue considérable et sont répandus dans toute l'Europe. On y remarque le mélange de candeur religieuse et de maniérisme si curieux dans les œuvres du Pérugin. Les petites écoles de Toscane. Entre les grandes écoles de Florence et de Padoue, il faut faire une place non seulement à l'école de Sienne, qui persévéra dans sa tradition hiératique, mais à quelques artistes remarquables de la Toscane et de l'Ombrie. 3 d'entre eux méritent d'être distingués. Melozzo da Forlì, Luca Signorelli, le Pérugin. Melozzo da Forlì, 1438-1494, est un disciple de Piero della Francesca, mais tempère la sécheresse du grand peintre réaliste par l'influence des Flamands et de Mantegna. Il appliqua la perspective à la décoration des plafonds et des voûtes, fut, après Mantegna, l'inventeur du plafonnement. Luca Signorelli de Cortone, 1441-1523, reprend la tradition de Giotto et revint au grand drame religieux au moment où les Florentins semblent versés dans la peinture de genre. Son chef-d'œuvre est la décoration à fresque du dôme d'Orvieto, où il a peint son célèbre jugement dernier. Pour la puissance, pour l'expression dramatique, il n'a été dépassé que par Michel-Ange. C'est un malheur pour Signorelli d'avoir inspiré Michel-Ange. C'est une fortune pour le Pérugin d'avoir été le maître de Raphaël. Pietro Vannucci, dit le Pérugin, 1446-1523, est né à Città di Pieve et a fait son éducation artistique auprès des vieux Ombriens, des réalistes toscans, Piero della Francesca et Verrocchio, des coloristes vénitiens. Cet artiste éclectique fut avant tout un fabricant de tableaux de sainteté. Il vendait dans toute l'Europe. Sa vogue fut due probablement à la perfection matérielle de ses tableaux de chevalet. La chaleur et la vivacité du coloris sont remarquables. L'un des premiers, en Italie, il mania bien la peinture à l'huile. Le Pérugin exploitait très habilement sa situation, organisant un atelier où ses élèves exécutaient la plus grande partie du travail. Ces langoureuses madones trouvent encore des adorateurs. Il est le créateur du paysage classique qui substitua les grandes lignes de la campagne romaine à l'horizon mouvementé de la Toscane. L'école vénitienne. À Venise, plus exactement à Murano, il s'était formé sous l'influence d'un Allemand une petite école dont les Vivarini furent les coryphées. Citons aussi Crivelli, mort en 1494, qui encombre d'ornements luxueux ses archaïques tableaux religieux. Le fondateur de l'école vénitienne fut Jacopo Bellini, mort en 1464. Il a été éclipsé par ses fils Gentile, 1426-1507, et Giovanni Bellini, 1427-1516. Ceux-ci sont les chefs de l'école vénitienne, qui fut, au XVIe siècle, la première d'Italie. Tandis que les Toscans cherchaient l'expression et la beauté dans le dessin, les artistes de la Haute Italie s'attachèrent à l'harmonie des couleurs et des jeux de lumière. La prépondérance qu'ils donnent à la peinture à l'huile, et par là au coloris, modifia complètement les aspirations de la peinture. Élèves des Flamands, dépassés par les Hollandais pour la science de la lumière, ils restent au premier rang pour la chaleur et le charme des couleurs et le pittoresque de leur composition. Il faut voir, à l'Académie de Venise, les tableaux où Gentile a figuré les grandes fêtes vénitiennes. Que de naturel dans ces foules, se mouvant au milieu de somptueuses architectures. Que d'aisance dans cet art qui laisse aux formes baignées dans l'atmosphère non seulement leurs proportions, mais leur relief exact et leurs couleurs, substituant à l'équilibre un peu artificiel des lignes l'harmonie des couleurs. Giovanni Bellini n'a pas cette souplesse, son talent plus laborieux et plus robuste. Après avoir imité Mantegna, puis Antonello de Messine, il se fait une manière personnelle. La suite de ses célèbres madones atteste la progression de son talent. Son chef-d'œuvre, la décoration du palais des Doges, a péri dans l'incendie de 1577. Le modelé est encore dur, mais le coloris a tout l'éclat que ses disciples du XVIe siècle ne feront que maintenir. Vittore Carpaccio, de 1494 à 1515, est un collaborateur de Gentile Bellini. La transparence du coloris, la grâce et l'ingénuité des figures, la prédilection de Carpaccio pour la peinture familière lui ont fait à notre époque de nombreux amis. Vittore Pisano de Vérone, surnommé Pisanello, 1380-1451, fut, comme Jacopo Bellini, un novateur. Il s'est attaché à l'Antiquité sans en tirer grand profit. Plus célèbre comme médailleur que comme peintre, il est surtout apprécié de nos jours comme dessinateur. Pisanello est le premier des médailleurs modernes par la date et demeure peut-être le plus parfait. Fin de la section 49.